Le moment micro-trottoir sur Radio Côte Basque. C'est Marie Kwitsou. Et bonjour, ce matin, je me suis donc transporté sur le marché de Kintaou et je suis à la rencontre des éditions Chocolatine auprès de Florence Delcloy qui propose une série de livres de littérature enfant. Florence, d'où est venue l'idée de créer ces superbes bouquins pour enfants ? Alors en fait, il y a eu deux accidents mortels d'enfants de locaux il y a quelques années et je trouvais qu'il n'y avait pas du tout de support pour expliquer aux enfants les dangers de l'océan. Donc en fait, on a écrit un livre avec les sauveteurs et le livre a vraiment trouvé son public. Moi, je ne voulais pas forcément écrire de livre, mais je trouvais que c'était important pour les enfants d'avoir un tel support. Et après, on nous a demandé la suite avec les maîtresses aussi qui nous ont fait intervenir dans les écoles sur cette thématique. C'est vraiment une très belle idée parce qu'effectivement, on a un nombre de gens qui viennent, notamment sur le marché, qui sont des touristes ou des estivants, des vacanciers, et qui n'ont pas cette connaissance notamment de l'océan. Tout à fait, l'océan, il est dangereux, il y a des codes à avoir. Et à partir du moment où on connaît les codes, notamment par exemple qu'il faut, avec des jeunes enfants, privilégier la marée basse montant ou mi-marée, mais jamais marée haute pour se baigner, et bien les gens en fait appliquent et il y a moins de danger. Parce qu'on parle beaucoup des baïnes, mais pour les jeunes enfants, c'est beaucoup les coefficients de marée et les vagues de shore break qui sont dangereuses. Oui, effectivement, nous, ici sur l'océan, on a un marnage important entre la marée basse et la marée haute. Et c'est important de connaître l'océan et de savoir tout juste, même quelquefois, comment se mettre à l'eau. Tout à fait. Donc, on explique tout ça dans le livre « En avant l'océan ». Et vous avez d'autres thématiques, allez, on va prendre quelques thématiques comme ça en vrac. Bah oui, tout à fait, ça fait 8 ans que les éditions Chocolatine existent, donc on en écrit uniquement sur des thématiques locales. Donc vous avez un livre sur les Pyrénées, on a deux livres sur le surf, un livre sur le skatepark, un livre, un voyage en van pour découvrir nos endroits mythiques, les endroits mythiques de la région. C'est chouette, et pas que de la région, parce que ça monte dans le sud-ouest. J'ai vu tout à l'heure, on remonte jusqu'à Fort Boyard, la dune du Pilat, etc. Donc c'est assez diversifié finalement dans les thèmes. Oui, bah en fait on a la chance d'avoir une très belle région et on aime bien, quand on aime la nature, souvent on organise des escapades, que ce soit vers le nord ou vers le sud. Bon, en tout cas, merci Florence, c'est vraiment très chouette. Ces petits livres enfantins sont vraiment sympas. Je vous invite à retrouver Florence et les éditions Chocolatine, évidemment, sur le marché de Kintaou, mais également sur le sud des Landes, à Hossegor, à Seignos, où elle vient présenter sa littérature. Et puis, vous pouvez certainement aller sur son site internet pour retrouver les éditions Chocolatine. Merci Florence et bon dimanche sur le marché de Kintaou. Merci à vous. Eh bien, sur le marché de Kintaou, je me trouve maintenant sur le stand des bouchées exotiques. Les bouchées exotiques, c'est des plats réunionnais. Et tu vas nous présenter un petit peu les plats que tu proposes aujourd'hui sur ce stand magnifique de La Réunion. La Réunion, l'est là. La Réunion, l'est là même. Et pour satisfaire cet appétit, aujourd'hui, on vous propose le rougail saucisse, un plat incontournable à l'île de La Réunion. Et bien sûr, le carré poulet, du moins ce qui reste du carré poulet, parce que le trois quarts est déjà parti. Et pour ceux qui ont l'âme végane, aubergine au lait de coco. Et généralement, quand on doute ça, on me dit « mon coco ». Mon coco, et puis il y a les fameux rhums arrangés. Et voilà, et oui, pour les rhums arrangés, nous avons tout un panel de rhum. Et vous connaissez, à La Réunion, il y a un dicton, c'est « boire du rhum arrangé, vous ne serez point dérangé hein ». Et tous les verres mènent au rhum chez nous. Voilà. Oh, c'est extra, et il y a aussi des bouchées. Allez, toi, on va se déporter un petit peu vers les bouchées. Qu'est-ce que tu nous proposes là aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en samoussa pour les viandes, nous avons des samoussas poulet, bœuf, porc, rougail saucisse et bien sûr une pensée pour la culture basque, le samoussa chistora et évidemment le samoussa bayona, un mélange piperade, œuf, jambon et bien sûr l'incontournable des acras qui aident à faire cracra et très aphrodisiaque. Donc s'il y a des gens qui ont envie de faire l'amour, il faut qu'ils viennent ici. Bon, c'est extra. Et puis n'oubliez pas, hein, si vous venez sur le stand de Les Bouchées Exotiques, de réclamer votre carte de fidélité, parce qu'avec la carte de fidélité, eh bien, on a des prix incroyables. Alors, je dis souvent aux couples, la carte de fidélité leur rapporte 6 points. Donc, on déduit 6 points de leur achat. Et quand ils ont 1000 cartes, pour les femmes, c'est le billet d'avion avec moi. Ah ben écoute, c'est extra. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes ici à la, sur le marché de Quintao qui vont vouloir aller vers toi sur cette magnifique île de l'océan Indien. Merci beaucoup et bon dimanche sur le marché de Quintao. Merci à tous vos auditeurs. Alors ce matin, dans la tournée des stands un petit peu exotiques, je me trouve sur le stand de Walili 64 qui propose des spécialités marocaines. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin dans ces spécialités incroyables du Maroc? Alors des spécialités marocaines, il y en a des plats marocains, donc traditionnels marocains. Donc il y a des couscous, des tagines, c'est comme on trouve quand on part au Maroc. Donc voilà, c'est la même, c'est la recette des mamies. Oui, c'est en plus la fin du ramadan. Hein. Le ramadan est fini, maintenant les gens peuvent se régaler et vous pouvez vraiment régaler les papilles avec toutes ces saveurs marocaines. Est-ce que vous venez souvent sur le marché de Quintao? Oui, je suis abonnée là, donc je suis là les dimanches, je suis là, c'est ma place. Donc je suis et est-ce que vous faites d'autres marchés que Quintao au Pays Basque? Au Pays Basque, j'ai Bayonne le mercredi. Bayonne le mercredi, et après le sud des Landes et vous bougez un petit peu? Dax, je fais Dax le samedi, donc je fais 3 marchés par semaine. Génial, en tout cas je vous invite à rejoindre le stand Walili 64 en plein cœur du marché de Quintao pour ce matin, ces découvertes des spécialités un petit peu exotiques. Merci beaucoup et bon dimanche. Avec plaisir. Les saveurs du Portugal, qu'est-ce que tu nous proposes ce matin sur ce magnifique marché de Quintao? Alors des spécialités portugaises, les natas, donc sous plusieurs saveurs, nature le classique, chocolat, pommes, fruits rouges et caramel qui est déjà parti, victime du succès. Et voilà, donc on a voulu diversifier les goûts pour plaire à tout le monde. Et après aussi du salé, donc les beignets au poisson et au poulet, viande, et voilà. Ok, on vous retrouve tous les dimanches sur le marché de Quintao. Ouais. Tous les dimanches sur le marché de Quintao. Est-ce que vous faites d'autres marchés sur le Pays Basque? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais à l'avenir, pourquoi pas. Hein. Ok, c'est super. En tout cas, de jolies saveurs du Portugal hein, qu'on peut découvrir ici, en plein milieu du marché de Quintao. Venez vous régaler. Il y a vraiment la crème de la crème, les délices de Nata sur le marché de Quintao. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je suis avec Nimbus Traiteur. Bonheur est dans la poêle. Des séminaires d'entreprise, masterclass, mariage, baptême, divorce et funérailles. Un traiteur d'urgence à votre rencontre en plein cœur du marché de Quintao. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous proposes ce matin? Et bonjour à tous. Ce matin sur le marché de Quintao, je vous propose du couscous aux 7 légumes poulet merguez accompagné de semoule au raisin sec. Et huile d'olive. Il y a des gésiers de canard flambés à l'armagnac avec ses pommes de terre rissolées, l'ail et l'oignon caramélisé à la vergeoise. On a aussi des lasagnes au bœuf chalossé, des lasagnes à la poêle. Donc je suis le seul à proposer la recette sur tous les marchés de l'Inde et du Pays Basque. Ah, c'est extra. Donc si on veut avoir un contact, nimbulustraiteur@gmail.com et à ce moment-là, on te contacte et on peut en urgence. Oui. T'appeler pour venir fêter un événement en famille. Absolument. En fait, c'est la formule urgence, elle se présente de la sorte. Vous vous faites planter sur votre événement par un traiteur. Vous m'appelez la veille pour le lendemain. Vous êtes 200 personnes à 500 personnes. Je réagis, je viens vous proposer une solution immédiate. Quelle force de frappe, c'est vraiment impressionnant. Bravo en tout cas et bon dimanche sur le marché de Quintao. Merci beaucoup. Je suis maintenant avec Cyrine sur le stand Nature et Saveur du Sahel. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin sur ton magnifique stand avec des produits, j'ai l'impression, ultra hyper naturels? Voilà. Oui, bonjour. Je suis content d'être toujours le dimanche. J'ai toujours le plaisir à venir au marché de Quintao pour présenter mes produits qui séduisent de plus en plus. C'est des produits naturels que les gens sont de plus en plus friands. Donc, comme le baobab, l'huile de baobab qui est excellente pour la peau. On commercialise aussi le moringa, un soigne-tout. On appelle ça l'arbre miracle à cause de ses bienfaits, son goût. Voilà. On fait aussi du quinquilibat, excellent pour détoxer. tout ce qui est foie, tout ça. Voilà, des produits en fait totalement naturels qui viennent du Sénégal, voilà, dans le Sahel, mais exactement du Sénégal. C'est vraiment chouette, hein. C'est donc des produits artisans du monde pour un commerce équitable, n'est-ce pas? Et est-ce que tu viens donc tous les dimanches au marché de Kintaou, mais est-ce que sur la région tu fais d'autres marchés? Oui, oui, je fais aussi le marché de Dax en fait tous les samedis, mais j'essaie de faire mon maximum pour ne pas rater le marché de Kintaou, qui est vraiment un marché chaleureux, on trouve tous les produits, et on a vraiment le plaisir à venir en fait sur ce marché. C'est très très chouette de te retrouver ici, hein, et puis d'avoir autant de clients qui passent te voir pour découvrir ces produits naturels et qui sont vraiment très très bons pour la santé et pour l'équilibre alimentaire et l'équilibre, si j'ai bien compris, digestif. Exactement, exactement. Voilà, c'est des produits totalement naturels en fait qui viennent directement de mon pays, faits avec amour, faits naturellement, voilà. Est venu et on vient vous présenter ça au Pays Basque. Voilà. Et si on veut acheter les produits en dehors des marchés, est-ce qu'on peut trouver quelque chose, un site internet, quelque chose, une adresse mail, quelque chose? Voilà, notre adresse mail en fait c'est natureetsaveurdusahel.com. Donc www.natureetsaveurdusahel.com. On habite à Dax, on peut quand même vous livrer dans toute la France. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et je vous invite à découvrir ce site naturedusahel.com afin de pouvoir peut-être commander des produits et venir à la rencontre de ces magnifiques gens du Sénégal qui nous proposent ces produits incroyables ici au marché de Kintaou. Merci, bonne journée et très bon dimanche. Merci beaucoup, passez une très bonne journée, au revoir. Je suis à nouveau sur l'océan Indien. Quelle chance j'ai ce matin. Je passe de la Réunion au Maroc, au Venezuela, à Madagascar. Je découvre les pays du monde. Qu'est-ce que tu nous proposes, Marilyn, ce matin sur le marché de Kintaou? Alors nous, notre principale activité, c'est surtout la vanille, mais énormément d'épices aussi. Voilà, tout ce qui vient de Madagascar. Le plus possible de Madagascar et de la Réunion. Vous êtes de Madagascar vous-même? Non, du tout. On a des contacts sur place, mais voilà, nous sommes de la région. Voilà. Et à Madagascar, on trouve évidemment la vanille, cette magnifique île de Madagascar, hein, qui est, c'est du poivre. Et puis toutes les herbes, il y a des herbes aussi. Voilà, des herbes, des épices, des mélanges. On a un très bon curry qui vient directement de là-bas. Et la cannelle aussi, hein, elle est très demandée. Et si on a envie de cuisiner un petit peu des produits typiques de l'océan Indien, des produits de Madagascar, on vient ici retrouver Marilyn sur le marché de Kintaou, où vous êtes tous les dimanches? Jeudi et dimanche, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres marchés au Pays Basque que vous faites? Oui, on fait Saint-Jean-de-Luz le mardi et le vendredi, et Peyrorade le mercredi, et Dax le samedi. Voilà, vous nous trouvez du mardi au dimanche. Ah mais c'est génial, on peut vraiment se rendre à gauche, à droite pour vous retrouver. Quand on est en manque d'épices et de vanille pour préparer un bon plat de Madagascar, on vient vous retrouver. Donc je vous invite à venir retrouver Marilyn en plein milieu du marché de Kintaou, notamment tous les dimanches et les jeudis, ici à Anglette. Merci Marilyn, bonne journée et bon dimanche. Merci, bon dimanche à tout le monde. Me voilà maintenant avec Reynaldo Santa Apera, Arepa, pardon, Santa Arepa, qui propose des spécialités vénézuéliennes. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin sur le marché de Kintaou, Reynaldo? Oui, je propose justement l'arepa, c'est la reine de la cuisine vénézuélienne. C'est un plat traditionnel, une galette de maïs qu'on farcit avec différentes garnitures, on va dire à base de bœuf effiloché, poulet, porc effiloché, et on a même une recette végane. Il faut dire en plus qu'elle est 100% sans gluten, gluten-free, ce qui est important à dire parce qu'il n'y a pas trop de propositions gluten-free sur les marchés, généralement. Et en plus de ça, on a aussi des apéritifs, l'apéritif typique vénézuélien, les tequeños, un bâtonnet de fromage enrobé dans une pâte fine et croustillante que je fais cuire à l'instant. Tout est cuit à l'instant sur le marché, tout est fait maison évidemment. Et je vous invite à venir et à vous régaler et à voyager avec la gastronomie vénézuélienne. C'est extra, c'est un petit peu en fait, si on peut comparer, mais c'est, je ne sais pas si la comparaison est faisable ou pas, un peu avec le talo. C'est justement, c'est la grand-mère de talo, on va dire. Ça fait au moins 2000 ans qu'on fait l'arepa au Venezuela, ou dans les territoires qui aujourd'hui s'appellent Venezuela, et même en Colombie aussi. Et oui, je la propose même comme les talos vénézuéliens. Donc tout à fait. Donc ça veut dire que le talo basque a été copié, en gros, sur ce qui on existe. On va dire inspiré, plutôt inspiré. Inspiré. Mais une petite différence, c'est que la farine de maïs avec laquelle on fait la arepa, on fait pré-cuire le maïs avant de le passer au moulin. Donc ça donne une texture un petit peu plus légère, plus fine. Ouais. Merci, en tout cas, je vous invite à retrouver Reynaldo sur ce stand en plein milieu du marché de Quintaú pour venir découvrir les arepas et toute cette spécialité vénézuélienne ici à Quintaú tous les dimanches. Merci, bonne journée et bon dimanche à tous. Merci à vous, bonne journée et on vous attend nombreux ici à Quintaú. Merci beaucoup.